Chapitre 4. Les heures passaient. La nuit était profonde et une chaleur étouffante tombait du ciel. Noire voûte où les étoiles piquaient leurs points éclatants. Obéissant aux prescriptions de Sir William, Pierre et Lucien avaient commencé par choisir dans le véritable arsenal, qu'ils s'offraient à eux, deux carabines de choix qu'ils avaient examinées avec toutes leurs compétences de chasseurs émérites. C'étaient des armes splendides, en excellent état. Les batteries jouaient à souhait, et avoir l'habileté avec laquelle les deux Français savaient les manier, on pouvait prédire qu'en cas de besoin, elles ne resteraient pas inactives en leurs mains. Après les avoir dûment chargées et avoir mis dans leurs poches, bien à portée de leurs mains, les munitions de rechange, ils s'étaient approchés de la fenêtre et, en ouvrant les rideaux, ils avaient attentivement regardé au dehors. Sur la galerie, ils voyaient passer et repasser les sentinelles qui allaient d'un pas lent et régulier. La maison était bien gardée, ce point était acquis. Et avec l'insouciance naturelle du Français qui ne croit jamais au danger, bien assis côte à côte sur un divan, ayant éteint par précaution les lumières qui éclairaient le salon, peu à peu il s'était laissé aller au courant d'une intime causerie. Discrètement, Pierre avait sollicité les confidences promises au sujet de cette jeune fille, dont on devait lui parler plus tard, et qui évidemment n'était autre que cette mystérieuse Méria pour laquelle maintenant tous deux veillaient, prêts à donner leur vie pour la défendre. Et Lucien dévoilait à son ami le fond de son cœur. « Dès la première minute où j'ai vu Ria, murmura-t-il, j'étais saisi d'un intérêt profond pour cette jeune fille si belle et qui m'apparaissait comme une énigme vivante. Tout d'abord, j'ignorais quelle place elle occupait dans la famille de Sir William. Et pourtant, je ne pouvais croire qu'elle fût une servante. Il y avait en elle je ne sais quelle dignité innée qui répugnait un rôle de domesticité. Il ne pouvait être question d'une esclave. Dès mes premières conversations avec Sir William, j'avais compris que j'avais affaire à une nature généreuse et loyale, ouverte à tous les sentiments d'humanité et par conséquent adversaire à toute idée d'esclavage. J'avais essayé plusieurs fois de lier conversation avec la jeune fille qui parlait le tamoul et aussi l'anglais, mais elle semblait défiante, elle se dérobait à toute intimité. Cette réserve ne faisait que me piquer au jeu. Certes, je n'étais pas épris d'elle, quoique sa beauté m'eût frappé plus que je ne saurais dire, mais elle m'était essentiellement sympathique. Je devinais une âme neuve, des impressions, des sentiments qui ne rappelaient en rien la fausse éducation de nos poupées d'Europe. Je pressentais en elle une sorte de mystère qui m'attirait, si bien qu'un jour je me décidai à interroger franchement Lady William. Celle-ci est une excellente femme. Elle a donné maintes preuves de sa bonté. Mais elle est aristocrate dans l'âme, et deux fois aristocrate, car elle est anglaise. Pour elle, il est invraisemblable qu'un gentleman, qualification qu'elle daigne m'adresser, ait rien de commun avec une hindoue, fût-elle la plus belle et la plus adorable des femmes. Ce n'est pas mépris, c'est comme une incompatibilité absolue. Aussi ne se fit-elle guère prier pour me renseigner sur la délicieuse Ria, et elle ne ménagea pas les éloges. Ce fut alors que j'appris dans quelles conditions romanesques la chère enfant avait fait son entrée dans la maison de Sir William. Tu devines si l'intérêt qu'elle m'inspirait grandit après ces révélations. Fort de ce que je savais de son passé, je pus m'adresser à Ria en des termes qui la touchèrent, je lui donnai confiance, et bientôt nous devînmes de véritables amis. Non, mon ami, continua Lucien qui s'exaltait peu à peu, aucune expression ne saurait rendre le charme exquis. La douceur de cet enfant née si loin de notre civilisation, mais dont l'âme est ouverte à tout ce qui est beau, à tout ce qui est bon. Il y a en elle une fraîcheur d'impression, une grâce de langage dont ne peuvent nous donner idée nos bavardes de Paris. Ai-je besoin de te dire qu'elle ne sait rien de nos mœurs, ni de nos façons de vivre? C'est une petite sauvage, mais si délicieuse, avec des curiosités si naïves, des étonnements si enfantins. Elle m'a avoué d'abord qu'avec ma volubilité de parole, mon exubérance de gestes, et pourtant je ne suis pas du midi, je l'avais un peu effrayée, mais elle me trouvait l'air bon, et cela l'a rassurée. « Mais, demanda Pierre, de quoi causez-vous ensemble? Il me semble difficile que tu parviennes à rendre intéressante pour cette jeune sauvage, étrangère si tu aimes mieux, les sujets qui te préoccupent le plus ordinairement. Tu as raison. Aussi ne m'y suis-je même pas essayé. Nous causons de la nature qui nous environne, du nuage qui passe, de l'oiseau qui chante. Oh, voilà qui sent terriblement la poésie. Mais je ne m'en défends pas. Oui, peu à peu, je suis arrivé à m'attacher profondément à elle. Mais tu me connais assez pour savoir de quelle respectueuse affection je l'entoure. Plus que tout autre, elle m'est sacrée par la confiance même qu'elle me témoigne. Mais je l'aime, je te l'avoue fièrement. Je l'aime de toute mon âme et pour jamais. Fit Pierre. Dis-moi seulement, la belle Ria semble-t-elle partager le sentiment qu'elle t'inspire? Hélas, le sais-je. Tu ne le lui as jamais demandé? Moi? Ah, tu me connais mal si tu crois que d'un mot, si indifférent qu'il nous semble, j'ai troublé cette candeur qui est un charme de plus. Soit. Mais vous ne pouvez cependant pas toujours parler du nuage qui passe. Je lui donne des leçons de français, et elle m'apprend sa langue. Je suppose que douée comme tu l'es, tu fais des progrès plus rapides que ton élève. Certes, car elle parle un dialecte bengali qui n'est à vrai dire qu'un patois de la langue mère que je parle couramment. L'assimilation m'a donc été facile. Et pour elle, elle commence à prononcer très correctement les mots de notre langue. Tu l'entendras, on dirait un gazouillement d'oiseaux. Bon, nous voilà retombés dans les oiseaux. Mais enfin, pardonne-moi si je te parais indiscret, quels sont tes projets? Tu n'as pas l'intention, je suppose, de t'enterrer pour toujours dans le bungalow du brave sœur William. Tu dois prévoir déjà l'heure de la séparation. Ne prononce pas ce mot. Je ne sais pas, je ne puis savoir ce que l'avenir me réserve. Mais ma vie appartient à Ria Sanda. Ici ou ailleurs, je suis à elle et c'est elle qui décidera de mon sort. Je n'ai aucune question à t'adresser, aucun conseil à te donner. Je suis ton ami, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Ce que tu décideras sera ma règle. Et quoi que tu veuilles faire, je t'y aiderai. Ah, comme je te retrouve toujours semblable à toi-même, s'écria Lucien en saisissant dans l'ombre les mains de son ami. Tu sais bien d'ailleurs que je ne t'entraînerai jamais hors de la voie droite. Un seul mot. Lui as-tu parlé de son passé chez les Kund, des Meria? J'ai essayé quelquefois d'effleurer ce sujet, mais elle se refuse à toute excursion sur ce terrain. Tout à coup, je sens entre nous une gêne, comme une barrière de glace. Et tu comprends, si je m'abstiens de toucher à cette question qui, d'ailleurs, m'intéresse fort peu. Tu as peut-être tort de témoigner un tel dédain, commença Pierre. Mais il n'acheva pas sa phrase et se dressant, n'as-tu pas entendu? Demanda-t-il avec un accent d'inquiétude. Rien de précis? On aurait dit le grondement lointain d'un fauve. Quelque chose comme cela, en effet. Chut, écoutons. 10 minutes se passèrent. Le bruit d'abord entendu ne se renouvelait point. Ils se rapprochèrent de la fenêtre et regardèrent par les vitres. Tout semblait parfaitement calme au dehors. « Vois donc, » murmura Pierre à l'oreille de son ami, « on ne voit plus une seule étoile au ciel. Les sentinelles semblent hâter le pas. Regarde, elles se rapprochent les unes des autres. Elles échangent des paroles que nous n'entendons pas. Mais leurs gestes expriment l'inquiétude, l'épouvante même. » « Est-ce que l'ennemi serait proche ?» fit Lucien en serrant sa carabine dans son poing crispé. « Ah, les misérables trouveront à qui parler !» Mais à ce moment, une clameur épouvantable, surhumaine, retentit, comme une voix composée de milliers de voix qui hurleraient à la fois. Et voici ce qui se passa en une minute. Les glaces de la véranda volèrent en éclats, tandis que les colonnettes qui supportaient le toit tordus et arrachés, étaient lancés comme autant de leviers contre les murailles du bungalow qui chancela sur sa base sous une poussée formidable. Tout craqua, tout se disloqua, tout s'effondra. C'était le cyclone, l'effroyable Tophan, le monstre sournois qui se cache au fond de l'espace et tout à coup bondit, se déchaîne avec une impétuosité irrésistible. Rien, nul pronostic ne pouvait faire prévoir cette crise des forces aveugles de la nature. Des villes entières sont emportées en une minute dans ce tourbillon de ruines et de morts. Les fleuves remontent vers leurs sources, se dressent, retombent sur les côtes et sur les campagnes, écrasant sur leur masse des milliers de victimes. Le redoutable météore passe avec la rapidité de l'éclair, brisant, tordant, déchiquetant tout sur sa route que jonchent les cadavres. La pierre, le fer, rien ne lui résiste. Il courbe des barres énormes comme des baguettes d'osier. Il rompt des poutres, il casse les plus gros arbres comme des fétus de paille. Instinctivement, Lucien et Pierre s'étaient élancés vers la porte, mais la porte, avec la muraille, s'était écroulée sur eux. Ils avaient pu cependant bondir en avant et se jeter dehors. Mais à peine avaient-ils franchi le seuil, que derrière eux le bungalow, déraciné de ses fondations, titubait comme un homme ivre et s'effondrait avec un fracas épouvantable. En même temps, au milieu de torrents de pluie, de trombes de grêle qui ressemblaient à un bol de pierre, des ombres fuyaient éperdues, des cris d'appel, des hurlements de douleur se mêlaient dans la nuit, et pour comble d'horreur, un flot fangeux, épais, nauséabond dépassait les rives de l'Ougly et s'élançait en torrent à travers le domaine de Sir William. Désastre sans nom, catastrophe hideuse. Lucien et Pierre avaient failli être saisis par le tourbillonnement de l'eau qui se ruait contre les fondations du bungalow. Ils s'étaient repliés en arrière et s'étaient rejetés sur une partie de la galerie terrasse qui n'avait pas été emportée par le cyclone et qui était séparée d'un des pavillons encore debout du bungalow par une sorte de torrent qui entraînait tout sur son passage en se frayant un lit à travers les décombres des bâtiments écroulés. L'obscurité, déjà profonde, s'augmentait encore du tourbillonnement de la pluie et des débris secoués par le vent, du tournoiement de l'eau qui, se heurtant contre les pilastres encore existants, bondissait comme les vagues de la mer. Devant ces cataclysmes de la nature, il n'est pas de sang-froid qui puisse résister. Certes, nos deux amis étaient des vaillants entre tous, mais, bousculés par le vent, souffletés par la pluie, ils se sentaient effarés. Lucien, es-tu vivant ? Oui, Pierre. Rien de cassé ? Non, et toi ? Rien. Alors le moment est venu de nous occuper de ceux qui ont, comme nous, couru ces terribles dangers. Mais au moment même où ils prononçaient ces mots, un double cri s'échappa de la poitrine des deux amis. À quelques pas d'eux, dans le torrent qui déferlait sous leurs pieds, des formes humaines passaient, des points noirs qu'on distinguait à peine dans la nuit. Étaient-ce donc des victimes emportées du bungalow ? Étaient-ce des êtres vivants ou des cadavres que le flot charriait ? Pierre et Lucien crièrent, appelèrent. Déjà les silhouettes étranges avaient disparu, entraînées sans doute par la violence du courant. Mais tout à coup, Lucien posa la main sur le bras de son ami. « Écoute, écoute, au loin, une voix de femme !» En effet, de l'abîme de ténèbres dans lequel cette vision fantastique avait disparu, un cri s'était élevé, très faible, très lointain. « Au secours, à moi !» Et ce cri était proféré par une voix qu'avec épouvante les deux hommes qui n'osaient se communiquer leurs pensées avaient cru reconnaître pour celle de Riasanda. Au même moment, ils entendirent s'ouvrir avec fracas une des fenêtres du pavillon et à la lueur des torches, ils virent Lady William, affolée, proférant des clameurs de désespoir. Tout cela, qu'on le comprenne bien, si longue qu'a été la description, s'était passé dans l'espace de 2 minutes au plus. Ces cyclones, brusquement déchaînés, aussi brusquement cessent de sévir. C'est une trompe qui passe, formidable, irrésistible, mais d'une durée à peine appréciable. En ces quelques secondes, la catastrophe est accomplie. La ruine, la destruction, la mort ont fait leur œuvre. Et aussi instantanément que le torrent avait envahi une partie du domaine, les eaux s'étaient retirées, laissant le sol presque à sec. À la vue de Lady William, qui proférait des mots qui ne parvenaient pas à eux, les deux amis comprirent qu'une catastrophe l'avait frappée. D'un bond, ils escaladèrent la balustrade de la galerie, sautèrent sur les débris amoncelés et coururent vers le pavillon, resté presque intact, et gravirent l'escalier se hâtant dans le fol espoir que leur aide rapide pourrait conjurer quelque malheur encore inconnu. Mais déjà Lady William s'élançait à leur rencontre, criant « Ria ! La pauvre Ria ! Disparue ! Enlevée ! Ah, gentlemen ! Ce sont ces misérables, ces bandits, qui, profitant de l'épouvantable tourmente, se sont introduits jusqu'ici. Venez, venez !» Lucien avait poussé un cri rauque de rage et de désespoir. Et quel spectacle que celui de cette chambre virginale, d'un exotisme élégant et plein de charme. Sur la natte, une des servantes gisant, le crâne enfoncé d'un coup de hache. Et la pauvre enfant, tout autour d'elle, disait comme elle avait lutté, comme elle avait résisté. Les meubles légers étaient renversés, les étoffes étaient lacérées. Et c'est elle que nous avons vue passer, entraînée à travers le torrent fangeux par les émissaires des Kund, par ces démons, les panous, ceux dont Sir William nous avait signalé la présence. » Au même instant, Agile, le fidèle serviteur, apparut. Il était couvert de sang, et sous la teinte bronzée de son visage, il était d'une pâleur livide. Il avait peine à se soutenir et s'appuyait au mur pour ne pas tomber. « Maîtresse, disait-il d'une voix haletante, j'ai tout fait pour éviter ce malheur. J'ai lutté contre l'ouragan. Je me suis raidi contre la tempête. Mais, hélas, de mes hommes, les uns s'étaient enfuis, et j'ai bien le droit de les accuser de lâcheté en face d'une pareille convulsion de la nature. Les autres, les uns ont été écrasés par la chute des murailles. J'ai pu avec peine en rallier quelques-uns. « Mais mon mari, Sir William !» cria l'épouse d'une voix d'angoisse. L'hindou baissa la tête et continua d'une voix sourde. Le maître était parvenu à se dégager des ruines, qui avaient failli l'écraser. Et à mes côtés, il encourageait les hommes qui nous restaient. Tout à coup, à quelques yards, nous vîmes passer des hommes. Malgré l'obscurité, nous les reconnûmes. C'étaient les Panous des Kounds. Ils avaient bondi comme des démons. Nous déchargeâmes sur eux nos revolvers. Nous espérions qu'au bruit des coups de feu, d'autres les cerneraient, les attaqueraient. Mais voici que de l'ombre noire des flèches jaillirent. Le maître tomba, frappé en plein crâne. Et moi, voyez. Et d'un geste large, presque solennel, Agile écarta son manteau. La hampe d'une sorte de sagaie était fixée dans sa poitrine, un peu au-dessus du cœur, et n'ayant plus de force, le malheureux s'affaissa sur le sol. « Mais mon mari, non, il n'est pas possible qu'il soit mort. Où est-il ? » Agile sembla rassembler ses forces, et désignant une partie du bungalow dont les ruines se profilaient aux premières lueurs du jour. « Là, fit-il dans un râle. « Pauvre maître, ah, trop tard. » Déjà Lady William s'était élancée, suivie des deux jeunes gens. Il fallut se frayer un chemin à travers les décombres. Car dans cette partie des constructions, celle-là même où se trouvait le salon où la soirée s'était passée, l'écoulement avait été complet. Le corps de Sir William apparut. Le malheureux était étendu sur le dos, les bras en croix. La tête portait sur un fût de pierre, les yeux grands ouverts, et la flèche était là, ayant transpercé le crâne d'une tempe à l'autre. Lady William s'était jetée sur le cadavre et se lamentait. De toutes parts, maintenant, les serviteurs accouraient et formaient cercle autour de ce groupe de désespoir, profondément désolé, car Sir William était aimé de tous ceux qui le connaissaient. Par une étrange ironie de la nature, les rayons du soleil levant dardaient tout à coup sur ces scènes de désolation et jetaient leurs notes de vitalité et de joie. Lucien et Pierre contemplaient ces douloureux spectacles, irrités de leur impuissance. Mais ce qui torturait surtout Lucien, c'était une sorte de remords. Quoi ? Il n'avait pas deviné que dans ce groupe fantastique était passé à quelques pas de lui, se débattait celle qu'il aimait de toute la force de son âme ? Comment un instinct secret ne l'avait-il pas averti ? Aurait-il pu la sauver ? N'aurait-il pas été englouti dans ce torrent de boue et de pierre ? Mais ses ravisseurs n'étaient que des hommes, eux aussi, ils avaient dompté le péril. Pierre souffrait des tortures de son ami. Tout à coup, s'arrachant à une immobilité qui lui devenait insupportable, « Ami, dit-il, te souviens-tu des paroles que nous échangeâmes cette nuit, quelques minutes avant le déchaînement de la tourmente ? Ah, que sais-je ? Mon cerveau est brisé. Je n'ai plus de souvenirs. Je suis, t'ai-je dit, ton ami, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Quoi que tu veuilles tenter, je serai là pour t'aider. » Oui, tu as dit cela. Et toi, n'as-tu pas dit que ta vie appartenait à Riasanda ? J'ai dit cela. Et cependant, lâchement, je l'ai laissé retomber aux mains de ces bourreaux. Mais non, c'est impossible. Cet horrible forfait ne s'accomplira pas. Dussé-je y périr ? Puis comme si tout à coup une idée, encore latente en lui, jaillissait de son cerveau. Oui, j'irai chercher les assassins jusqu'au fond de leur repaire. Sans perdre une minute, je pars. Chaque instant qui s'écoule aggrave le danger que court ma bien-aimée Sanda. Adieu, Pierre. Je ramènerai Sanda ou tu ne me reverras jamais. » Et dans son impétuosité toute française, il s'élançait déjà, quand Pierre, le saisissant par le bras, le retint, lui dit « Ah ça, tu crois que tu vas partir seul? Et moi, tu m'oublies? Toi? Mais je ne veux pas que tu me suives, c'est aller à la mort. » Alors, si c'était moi qui avais perdu Riasanda, et si j'étais décidé à tout pour la sauver, tu ne viendrais pas avec moi? Moi, t'abandonner? Peux-tu me croire capable de cette lâcheté? Alors pourquoi m'en crois-tu capable moi-même? Fit Pierre, en tendant à son ami sa main largement ouverte. Lucien ne la prit pas, mais se jetant dans ses bras, il s'écria « Tu as raison, pardonne-moi, j'accepte ton sacrifice. Arrachons-nous à cette scène de désolation que nous sommes hélas impuissants à réparer. Viens, viens !»« Sois, » dit Pierre, « mais tu veux, n'est-il pas vrai, sauver Riasanda ? La sauver ou mourir pour elle ?» Après cette étreinte fraternelle, Pierre reprit « Je m'en tiens à la première partie de l'alternative. Or, songe-y bien, dans son intérêt même, ne faut-il pas prendre toutes les mesures humainement possibles pour que notre expédition soit couronnée de succès ? Savons-nous seulement où ces bandits l'ont entraîné, dans quelle direction ? Ce qui est utile tout d'abord, c'est de faire une enquête rapide, de nous entourer de renseignements, sans doute même de réunir une escorte. Mais ce serait perdre du temps, s'écria Lucien, c'est impossible ! Rien n'est impossible. J'affirme que nous serions des fous et des coupables si nous allions stupidement nous faire tuer sans délivrer Sanda. Il nous faudrait un conseiller, un allié sûr qui nous guidât et nous aidât à remplir cette mission d'humanité. Mais qui donc? Vois, ami, toute cette foule est affolée. Qui donc seulement, en présence de la mort douloureuse de Sir William, pense encore à la pauvre Meria? Moi, fit une voix derrière les deux jeunes gens. Ils se retournèrent brusquement et virent l'hindou des Noirs, le cingalais avec lequel la veille Lucien s'était entretenu sur le quai de l'Ougli avant la rencontre de Pierre. « Vous ? » s'écria le jeune homme. « Ah, vous savez l'horrible malheur qui me frappe. »« Oui, je sais tout, » dit des Noirs. « Vous disiez hier que rien ne me trouble ni ne m'émeut, et je vous ai répondu que je n'étais sensible qu'au mal et à la souffrance d'autrui. Je n'ai pas oublié. « Mais expliquez-moi plus clairement. » « Le mal, dit l'hindou, c'est l'épouvantable superstition qui transforme les hommes en bêtes sauvages. La souffrance, c'est celle qui angoisse l'âme d'un honnête homme quand il redoute pour un être qu'il aime la torture et la mort. Certes, angoisse si poignante qu'on a peine à y résister. Et alors, mon devoir, reprit des Noirs, c'est de me dévouer à la réparation du mal, à l'abolition de la souffrance. Votre ami disait vrai, mon cher Français. Si vous vous lanciez seul dans les solitudes du Gundabar, si vous tentiez cette aventure réduite à vos seules ressources, ce serait la mort certaine pour vous. Et si vaillant que vous soyez, vous ne parviendriez pas à sauver la malheureuse Sanda. Il vous faut un allié sûr, pour qui ces montagnes n'aient pas de secret. Mais cet allié, où le trouver? Ici même, dit l'hindou, posant son doigt sur sa poitrine. Quoi? C'est de vous que vous voulez parler? Vous consentiriez? Ne m'en ayez aucune reconnaissance. Chacun ici-bas obéit à sa mission. Il est dans notre philosophie une maxime qui renferme toute la sagesse. Nul ne peut être heureux tant qu'il existe un seul être malheureux. Il y a ici des êtres qui souffrent. Il y a là-bas une pauvre fille qui frissonne de terreur. Je vais à ces malheureux. Oh, merci. Avec un guide tel que vous, notre tâche sera facile. Mais vous n'êtes pas prêt à partir, vous êtes sans armes. Pour abolir le mal, il ne faut pas faire soi-même le mal. Jamais je ne porte d'armes. Mais ne vous préoccupez pas de ces détails. L'important, c'est de ne pas perdre de temps. Trouvez-vous, dans une demi-heure, sur le bord de l'Ougli, au lieu-dit The Golden Arms, les armes d'or, j'y serai moi-même. Le reste appartient à la destinée. Et avant que les deux jeunes gens eussent pu lui témoigner leur gratitude, l'hindou avait disparu. Rapidement, Pierre et Lucien s'étaient dirigés vers le groupe qui s'était formé autour du cadavre de Sir William et de sa femme presque folle de douleur, à peine si elle les reconnut. Avec un geste désespéré, Lucien entraîna son ami et s'élança vers le fleuve. « Et c'est ainsi, s'écria-t-il, que l'homme doit dépenser sa vie à lutter, contre la nature, contre les choses et contre les êtres. Ne philosophe pas, » fit Pierre en redressant sa haute carrure. « En avant !» Et courage !